son édilité, ses munificences. Édile César ne se borna pas à orner le comitium, le forum et les basiliques. Il orna aussi le Capitole, et y fit élever, pour le temps d'une exposition, des portiques provisoires, où il étala, aux yeux du peuple, une partie des nombreuses collections d'œuvres d'art qu'il avait rassemblées. Il donna des jeux et des combats de bêtes, tantôt avec son collègue, et tantôt en son propre nom, ce qui fit que la popularité ne s'attacha qu'à lui pour des dépenses faites en son commun. Aussi son collègue, Marcus Bibulus, disait-il en se comparant à Pollux, que comme on avait coutume d'appeler du seul nom de Castor, le temple érigé dans le forum aux deux frères, on appelait magnificence de César les prodigalités de César et de Bibulus. César joignit à ces prodigalités un combat de gladiateurs. Mais il y en eut quelques couples de moins qu'il ne le voulait, car il en avait fait venir de toutes parts une si grande multitude que ses ennemis épouvantés firent restreindre par une loi expresse le nombre des gladiateurs qui pourraient à l'avenir entrer dans Rome.